24 heures, il pleut. 24 heures, il a chain. 24 heures, il pleut. 24 heures, il a chain. 24 heures, il pleut. 24 heures, il a chain. 24 heures, il pleut. 24 heures, il a chain. Regarde mes gars et la démarche. Regarde la pute comme je la démarre. J'écoute la prod, j'ai trop le démon. J'suis pas là pour foi, j'fais pas de débat. J'débite, j'débite. C'est rien, y'a plus de série. C'est pour les fuckboys, tous les sirops. Ils ont tous zéro, j'prends les euros. Regarde la prod comme j'la casse. J'détourne le pilon, puis j'le tasse. Après 2-3 bars, j'fais la passe. Cette bitch, elle est clean, elle est classe. Hala, hala, ho. Hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala. Regarde tes potes, ils ont le démon. Ils arrivent pas à suivre le délire. Et près des couilles, ça fait guilly. 22 tempêtes, j'commets le délit. C'est vrai, j'dois percer, j'leur ai promis. La concu s'endort sous la promette. La concu s'endort sous la promette. Et sur ton tour, je dors, j'me promène. On a pull up sa fille et pas le comité. Et ta bête, si tu rap, dis la vérité. Ça va te mêler, pec, tu l'auras mérité. Contacte l'autorité, mes gars sont trop sauvages. La concu est partie, cours. Regarde mes potes, ils sont carrément faux, faux. Du trafic, y'en a partout. C'est comme 13 blots, la sueur, la soif, les sous, les sous. Pull up tes boys, get la gestuille. Appelle la riz si tu cherches un plan. Écrase mon tête sur vêt Adidas. Et j'ai même pas pété le cash, et ça dit quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Et j'ai même pas pété le cash, et ça dit quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Change de flow, fuck les potes, bad boy. Contacte tes potes, dis leur pas qu'il y a foy, foy. Je laisse un délai pour la blanche, passe 15, 15. Et devant ta porte, personne perd ses couilles. Je t'en ai pas trop, j'ai pas de quoi. Et moi, c'est le quartier, fuck, c'est Rasta. On est vraiment plein comme un Gangnam Boy. J'ai cassé la puce de mon téléphone. Regarde mes gars, ils sont déjantés. Bat en attaque, va pas plaisanter. T'es mal à progresser habilité. Ils vont m'imiter, j'ai le flow illimité. C'est qui le plus fort, laissez décider. Tu payes tes clopes que à l'unité. T'as pas d'argent, tu fais grigoler. Tu pleures sur mes yeux, pour toi c'est terrible. Des flancs pec, perso solo dégage. Retire tes sons, t'as pas dégaine. J'ai sa plein pot, déjà déguste. T'étais là depuis, personne t'écoute toi. J'ai demandé aux autres personnes c'est quitté. Le glock sous les yeux, tu danses tiki-ta. Et j'appelle ta mère pour pas l'inquiéter. Ouais, et j'appelle ta mère pour pas l'inquiéter. Je rentre dans la zone, je suis comme daddy plug. Get la dégaine, je suis dans le club, tu thug. Faut pas péter sur ta route, du touch. Bad boy, coup de cut, si balle dans le gun. C'est Larry, l'arrivée d'un attaquant hors norme. T'as déconné, tu t'es noyé dans la codée. Ramène pas les condés, t'as des problèmes dans la foulée. Ramène pas les condés, t'as des problèmes dans la foulée. Foulée.